La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un chantier qui n'en finit plus de ne pas finir, l'EPR de Flamanville. EPR pour réacteur pressurisé européen. En réalité, c'est simplement un nouveau modèle, plus puissant que les 56 en fonction aujourd'hui en France et destiné à les remplacer au fur et à mesure de leur fin de vie. L'enjeu est de taille puisque la fission nucléaire produit aujourd'hui jusqu'à 70% de l'électricité du pays. Plus puissant donc, mais aussi plus efficace et plus sûr. Telle est la promesse. Oui, car pour l'instant, l'EPR de Flamanville n'est pas réalité, il n'est pas encore en fonction. Année après année, les retards s'accumulent et la facture s'alourdit. Plus de 10 ans de décalage par rapport aux prévisions et un coût multiplié par 4. Au-delà du débat entre pro et anti-nucléaire, retour sur l'un des plus grands fiascos de la filière française de l'atome. Notre invité aujourd'hui, Jacques Repussard, ancien directeur général de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano et Stéphane Ronxa. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 20 avril 1995. Dans 3 jours, les Français votent pour la présidentielle. Mais ce jeudi, c'est un moment de trêve dans la campagne. Un instant de communion nationale. Le couple le plus célèbre de la science fait son entrée au Panthéon, Pierre et Marie Curie. Dans la foule, des centaines de lycéens observent les deux cercueils qui remontent lentement la rue Soufflot sur les notes de la suite en ré majeur numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. Sous un ciel gris, les hommages se succèdent. Le prix Nobel de physique Pierre-Gilles de Gennes explique l'importance de la découverte de la radioactivité réalisée par Marie Curie. Puis vient le tour de François Mitterrand, président de la République. Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent. En faisant entrer Marie Curie au Panthéon, François Mitterrand fait coup double. Hommage à la femme, Marie Curie, et au-delà, aux femmes, et hommage à l'atome. Avec Henri Becquerel, le couple Curie est à la base de la physique nucléaire. Et le président socialiste a toujours soutenu la filière nucléaire, même s'il a donné des gages à une partie de ses électeurs en abandonnant le projet de centrale à Plogoff, dans le Finistère. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Car c'est sous ces deux mandats que les deux tiers du parc nucléaire français ont été construits. Dans l'assistance, en ce jour de panthéonisation, on retrouve le Premier ministre Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre Jacques Chirac et le communiste Robert Hue, tous trois candidats à la présidentielle. Question atome. À droite, comme chez les communistes, il n'y a pas de débat. L'énergie nucléaire, c'est à la fois le passé, le présent et l'avenir de la France. Et ce ne sera pas un débat, d'ailleurs, de cette présidentielle. Le 7 mai 1995, les Français voient apparaître sur leur écran de télé le visage de leur nouveau président. Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. En cette même année, des ingénieurs français et allemands poursuivent leur travail acharné de recherche sur un nouveau réacteur nucléaire. Fruit de la coopération franco-allemande, initiée en 1989, ce projet a nécessité 1 million d'heures d'études. Il est présenté à Strasbourg le 13 novembre 1995 et il fait l'ouverture du JT France 3 Alsace. Bonsoir à tous. EPR, retenez bien ces initiales. EPR, c'est le nom du nouveau, du futur réacteur nucléaire franco-allemand. Ce réacteur, qui est encore à l'état de projet, a été présenté aujourd'hui à Strasbourg par ses heureux géniteurs. Les téléspectateurs découvrent les schémas du nouveau projet de réacteur nucléaire nommé EPR. Un acte fort du nouveau couple franco-allemand. Le PDG de Framatome, Jean-Claude Leni, est fier de présenter ce nouveau réacteur. Devant les caméras, il explique que la France et l'énergie nucléaire, c'est un couple solide. Les gens en France sont habitués, ils considèrent le nucléaire comme les autoroutes, comme l'automobile, c'est la même chose. Ils vivent avec. Ils vivent avec parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement aussi. Oh, mais si... Écoutez, vous allez avoir des impôts pour la sécurité sociale. S'il fallait encore payer les impôts pour acheter le pétrole, vous en auriez encore pour 100 ou 120 milliards supplémentaires. Je suis persuadé que les gens n'y tiennent pas beaucoup. Le pétrole, le mot est lâché. Car pour bien comprendre l'ampleur qu'a pris le nucléaire en France, il faut remonter 20 ans plus tôt, en 1974, avec le plan Messmer. Le choc pétrolier de 73 fait prendre conscience à la planète que l'énergie bon marché s'est terminée. Cela dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. La France peut donc s'appuyer sur une filière qu'elle maîtrise plutôt bien, le nucléaire. C'est ça l'idée. Plus qu'une solution de remplacement, un gage d'indépendance énergétique. Pour ce nouveau programme de construction, les Français vont abandonner leur technologie au profit d'une méthode américaine, les réacteurs à eau pressurisée. Mais si les technologies peuvent varier, l'énergie nucléaire repose sur un principe, la fission nucléaire. Ça peut paraître compliqué, mais c'est en réalité assez simple. On casse un atome en deux, le plus souvent de l'uranium. Cela libère de l'énergie tout en cassant d'autres atomes. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée, l'énergie libérée par la fission d'atomes d'uranium va permettre de chauffer l'eau du circuit primaire. Complément d'explication avec Jamy Gourmaud dans l'émission C'est pas sorcier. Dans le réacteur, l'eau qui y circule, c'est l'eau du circuit primaire. C'est un circuit fermé et l'eau est sous pression. L'eau rentre dans le réacteur. Au contact des barres de combustible, où se déroule la réaction en chaîne, l'eau va monter en température. Elle va atteindre 320 degrés. Mais attention, à 320 degrés, elle ne se transforme pas en vapeur parce que l'eau est sous pression. Lorsqu'elle a atteint cette température, elle quitte le réacteur et part vers le générateur de vapeur où elle circule dans des tubes en U qu'elle va réchauffer. Ensuite, elle revient vers le réacteur. Les tubes en U, ils sont brûlants. Ils vont réchauffer de l'eau, l'eau du circuit secondaire. C'est cette eau qui va se transformer en vapeur, qui va faire tourner la turbine, qui va faire tourner l'alternateur, qui va produire de l'électricité. Voilà, merci. Revenons maintenant à la fin des années 90. La France vient d'achever son vaste programme de construction de centrales nucléaires. 58 réacteurs produisent près de 80% de l'électricité. Cela fait de la France le pays le plus nucléarisé du monde par habitant devant les États-Unis. En 97, la centrale de Civaux dans la Vienne est la dernière à entrer en service. Cette même année, Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Un choix audacieux mais perdant. C'est la gauche plurielle menée par Lionel Jospin qui l'emporte sur la base d'une alliance politique entre socialistes, verts et communistes, la fameuse gauche plurielle. Très pluriel sur le nucléaire, car on ne peut pas dire qu'il y ait consensus sur ce point. Les écologistes, historiquement contre l'atome, veulent suspendre le projet d'EPR et baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité. Mais socialistes et communistes ne sont pas prêts à abandonner la filière. Alors, tout le monde tombe d'accord sur une proposition, la fermeture de la centrale Superphénix, un réacteur pourtant en avance sur son temps, un prototype de réacteur à neutrons rapides qui utilise du plutonium comme combustible. Le 19 juin 1997, le Premier ministre annonce Superphénix sera abandonné. Une décision politique sans vision à long terme. Au JT de France 3, on donne des précisions sur ce réacteur hors du commun. Superphénix ne renaîtra pas de ses cendres. Ce devait être le fleuron de l'industrie nucléaire française. Aujourd'hui, son échec pèse 60 milliards de francs. Conçu dans les années 70 pour produire plus de plutonium qu'il ne devait en consommer, Le surgénérateur semblait la machine idéale pour produire de l'électricité en cas de pénurie mondiale de combustible nucléaire. Un prototype industriel qui s'avérera délicat à mettre au point. De panne en fissure, Super Phénix deviendra vite le symbole du monstre à abattre pour les écologistes. Et depuis longtemps, car le combat contre Super Phénix débute dès 1977 avec un grand mouvement de protestation et une manifestation tragique marquée par la mort d'un jeune militant, Vital Michelon. 2 ans plus tard, en 1979, c'est l'accident de la centrale de Three Mile Island aux États-Unis. Le cœur du réacteur fond partiellement, mais il reste dans la cuve. L'accident ne fait aucune victime. 7 ans plus tard, en 1986, c'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en URSS. Et là, c'est une autre histoire. Mais une chose est certaine, ces 2 accidents donnent un sérieux coup de frein aux différents projets de construction de centrales dans le monde. Ce qui ne les empêche pas de se développer, notamment l'EPR, censé justement garantir plus de sûreté en tirant les leçons de ces 2 catastrophes. Pour cela, les ingénieurs ont ajouté un récupérateur de corium en cas de fusion du cœur du réacteur, une sorte de cendrier, mais aussi une double enceinte de confinement et 4 systèmes de refroidissement indépendants. Mais avec la gauche plurielle au pouvoir, le projet EPR est repoussé. Et autre coup dur, les Allemands quittent le navire. De l'autre côté du Rhin, la coalition des sociodémocrates et des Verts programme une sortie du nucléaire. Il n'est donc plus question de se lancer dans la conception d'un réacteur de 3e génération. Et les Français se retrouvent seuls dans leur implication nucléaire. Une filière réorganisée avec un nouveau géant que crée la Cogema, Framatome et CEA Industries. Son nom, vous l'avez déjà tous entendu. Areva, des solutions pour produire et acheminer les énergies dont le monde a besoin. Areva est dirigée par celle qui est surnommée Atomic Anne par la presse américaine, autrement dit Anne Auvergeon. La normalienne, agrégée de sciences physiques et appartenant au corps des mines, ambitionne de faire d'Areva un acteur incontournable du nucléaire mondial. En décembre 2003, Areva réussit à vendre un EPR à l'électricien finlandais TVO. Le groupe français remporte l'appel d'offres en promettant un réacteur pour 3 milliards d'euros, livré en 2009. 6 mois plus tard, la droite, désormais au pouvoir, sans cohabitation, donc avec les mains libres, change les statuts d'EDF. D'établissement public à caractère industriel et commercial, EDF devient une société à capitaux publics dans le but d'introduire 15% en bourse. Le ministre de l'économie de l'époque, Nicolas Sarkozy, explique le but de ce changement de statut, appliqué également à GDF. Ça ne changera rien au statut des agents d'EDF et GDF, et ça permettra de faire de ces 2 grandes entreprises des champions européens. Faire d'EDF un champion européen, cela passe aussi par l'EPR. Areva s'est lancé tout seul dans l'aventure en Finlande, mais l'électricien français compte bien lancer le projet en France également. Après différentes tractations politiques pour accueillir le chantier, le lieu choisi est annoncé sur France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 13h, le 13-14, Delphine Simon, Fabrice Drouel. Bonjour. Bonjour, c'est Flamanville qui a été choisi. Flamanville dans la Manche, c'est là que EDF va implanter son réacteur nucléaire EPR, une technologie novatrice, dit-on, en termes de sécurité, d'environnement et de performance économique. C'est donc dans le département de la Manche que le chantier pharaonique est lancé, et non pas en Seine-Maritime, aux grandes dames de ses élus qui voulaient un EPR à la centrale de Penly. Car une telle installation, ce sont des centaines d'emplois et un booster pour toute l'économie locale. Du côté des antinucléaires, malgré leur opposition à l'EPR, l'État a tout fait pour qu'il y ait le moins de débats et de contestations possibles. Parce qu'on ne plaisante pas avec l'atome. Des milliards sont en jeu. Et ce qui va se jouer à partir de 2005, c'est une guerre entre Areva et EDF concernant les contrats de construction de l'EPR. Pour mieux cerner la situation, il faut comprendre qui est qui et qui fait quoi. Les 2 groupes sont détenus majoritairement par l'État. Dans le domaine du nucléaire, EDF gère, exploite et entretient les 58 réacteurs du parc français. C'est aussi un architecte ensemblier, autrement dit un constructeur de centrales. Quant à Areva, c'est un constructeur de réacteurs. Les deux groupes doivent travailler main dans la main. Sauf qu'avec son contrat finlandais, Areva décide de faire cavalier seul. Olkiluoto, Finlande, 13 septembre 2005. Ce jour-là, il pleut au bord de la mer Baltique. On se croirait à Flamanville, ironie certains Français, venus assister au lancement du chantier du premier EPR de l'histoire. Donc champagne pour tout le monde, au son de la fanfare, Anne Auvergeois le sourire, elle sait qu'Areva a réalisé un gros coup. Certes, mais c'est aussi un défi. La promesse d'un nouveau réacteur dans un pays méconnu et un nouveau métier d'architecte ensemblier, un risque puissance cube assumé par la présidente d'Areva qui entend faire de l'EPR le fleuron de son groupe. Devant les caméras de France 3, elle explique que ce n'est que le début, car la Chine entre dans la danse côté client. Beaucoup de gens sont intéressés. Nous sommes en Chine dans le contexte d'un appel d'offres international. Les décisions chinoises doivent avoir lieu entre octobre et la fin de l'année. Donc la visite du Premier ministre chinois, effectivement fin septembre, est d'une importance tout à fait significative. Fin 2007, au moment où le chantier de Flamanville débute, un contrat est signé par Areva avec la Chine pour deux EPR. EDF sera associé à ce chantier. Ce contrat n'est pas une surprise, car la Chine, qui entend développer son parc, achète toutes les technologies mondiales pour ensuite développer ses propres réacteurs après un transfert de technologie. Ce contrat donne donc des espoirs pour un autre très gros marché, celui-là à Abu Dhabi. Mais les dissensions entre EDF et Areva continuent et ce sont les Sud-Coréens de KEPCO qui l'emportent. Novembre 2009, les autorités de sûreté françaises, finlandaises et britanniques signalent les défauts de conception de l'EPR. Ces gendarmes de l'atome demandent à Areva de résoudre ces problèmes. Une mauvaise nouvelle pour le groupe qui accumule déjà les retards dans la construction de l'EPR finlandais. En 2010, Nicolas Sarkozy, président, et Christine Lagarde, ministre de l'économie, sifflent la fin de la partie entre EDF et Areva. Les deux groupes vont devoir coopérer. Tous les opposent. Mais entre les deux champions du nucléaire, c'est bien un mariage de raison que souhaite l'Élysée. Anne Lauvergeon à la tête d'Areva et Henri Proglio, PDG d'EDF, vont devoir travailler main dans la main. Puisque le nucléaire est un secteur dont la France est grand champion, il faut absolument que nos grands champions travaillent ensemble et aillent chercher des marchés et gagner des marchés à l'international. C'est précisément ce que n'arrivent pas à faire les deux groupes français. Échec à Abu Dhabi, échec en Inde, échec en Afrique du Sud. Heureusement qu'il y a la Chine, un pays qui représente un marché colossal. On parle de 300 milliards de dollars. Et il se trouve que la France, qui a déjà vendu deux EPR et des réacteurs dans les années 80, est un partenaire de longue date de l'Empire du Milieu. Henri Proglio, PDG d'EDF, discute en secret avec le CGNPC, le grand groupe nucléaire chinois. Ensemble, ils conviennent de développer un nouveau réacteur. Mais la technologie appartient à Areva, pas à EDF. Furieuse, Anne Auvergeon demande au Premier ministre François Fillon de stopper ses négociations avec la Chine. Mais Henri Proglio a lui aussi un soutien de taille, Nicolas Sarkozy himself. La guerre EDF-Areva s'invite à l'Élysée et à Matignon. C'est la fission de la filière nucléaire française. Moins d'un an plus tard, c'est un tout autre événement qui va l'affaiblir profondément. Il est 20h, bonsoir à tous, bienvenue à la une ce soir. Le Japon qui a vécu aujourd'hui le séisme le plus important de son histoire. Un tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a dévasté les villes côtières du nord-est du pays. Vendredi 11 mars 2011, nord-est du Japon. 14h46, la terre se met à trembler et les immeubles à bouger. Deux longues minutes d'angoisse, de peur et de panique débutent pour des millions de Japonais. À 260 km, en pleine mer, la force du séisme et son épicentre déclenchent la formation d'un tsunami qui emporte tout sur son passage, voitures, maisons, ponts, pylônes électriques. Des milliers de Japonais sont portés disparus. Le lendemain, le samedi 12 mars, à 17h47, une explosion a lieu au sein de la centrale de Fukushima. Les autorités rassurent la population, les réacteurs n'ont pas été touchés. Par précaution tout de même, 100 000 personnes sont évacuées. deux jours après le tsunami, le réacteur numéro 2 qui n'est plus refroidi commence à entrer en fusion. Mercredi 16 mars, 16h34, l'heure est grave. Face à la triple catastrophe, séisme, tsunami et accident nucléaire, l'empereur du Japon Akihito prend la parole à la télé. C'est la première fois depuis le début de son règne en 1989. La situation dans les centrales nucléaires est extrêmement imprévisible. Et avec l'aide de ceux qui sont impliqués, j'espère de tout mon cœur que les choses ne vont pas empirer. Jusque-là, les Japonais disaient, comme d'autres puissances nucléaires, notre industrie atomique est sous contrôle, sécurisée. Depuis le 11 mars 2011, ils ne le disent plus. Avril 2011, un mois après le tsunami, l'agence japonaise de sûreté nucléaire relève l'accident de Fukushima au niveau 7, le plus haut, celui qu'on avait aussi d'ailleurs relevé à Tchernobyl. Le bilan humain de la triple catastrophe est terrible. Plus de 20 000 morts causés par le séisme et le tsunami. Car côté nucléaire, un seul employé a succombé aux radiations. Toujours est-il que le choc est mondial et le retentissement médiatique sans commune mesure. L'Allemagne annonce l'arrêt de ses centrales nucléaires, l'Italie annule son programme atomique. En France, François Fillon lance un audit dans la filière nucléaire pour évaluer les risques. C'est un coup dur pour notre panier énergétique déséquilibré au profit du nucléaire et, vu le contexte, vendre des EPR va s'avérer encore plus difficile. Dans le documentaire nucléaire La Grande Explication, Anne Lauvergeon saisit l'occasion pour expliquer pourquoi l'EPR est beaucoup plus sûr que n'importe quel autre réacteur. Je ne pense pas qu'on puisse parler de trop de sécurité. Je vous prends un exemple très très concret sur l'EPR. L'EPR a été critiqué pour avoir des bâtiments diesel de secours qui sont en hauteur, qui sont imperméables et parasismiques. C'est trois raisons, effectivement, de faire qu'ils soient plus cher. Mais prenez Fukushima. Si les diesels de secours avaient été en hauteur, imperméables et parasismiques, le refroidissement, il avait lieu. il n'y aurait jamais eu de Fukushima. En juin 2011, Nicolas Sarkozy décide de ne pas prolonger le mandat d'Anne Vergeon à la tête de l'entreprise. C'est en ce même été que l'affaire Uramine éclate. Un gisement d'uranium hors de prix. Les révélations d'espionnage, de corruption, de fraude et de conflits d'intérêts se multiplient dans la presse concernant ce dossier. Et décidément, cette année 2011 connaît des réactions en chaîne, si je puis dire. Le chantier de Flamanville prend énormément de retard à cause de plusieurs défauts, notamment sur le gros œuvre en béton. Pire encore, deux ouvriers perdent la vie sur le chantier. Pour Yannick Roussel, un militant de Greenpeace, ce chantier pharaonique de l'EPR de Flamanville ne pouvait que mal se passer. Il en explique les raisons dans le documentaire nucléaire La Grande Explication. À l'époque, on avait un chantier avec un promoteur qui était là et qui faisait de bout en bout ce chantier. Aujourd'hui, on a une espèce de cascade de sous-traitance dans lequel on a sur le chantier actuellement entre 14 et 18 nationalités, des gens qui ne savent pas forcément exactement ce qu'ils ont à faire, des problèmes de langage et puis des problèmes technologiques. Clairement, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème de savoir-faire. Avec tous ces contretemps, évidemment, la facture explose. Pour l'EPR de Flamanville, censé coûter 3,3 milliards d'euros, c'est désormais 8,5 milliards. Et l'EPR finlandais, qui devait être livré en 2009, a déjà 3 ans de retard. Mais pour EDF, envers et contre tout, il s'agit d'exporter l'EPR. Le 19 octobre 2015, David Pujadas annonce aux 20h un contrat record pour l'électricien français. Bienvenue à tous, c'est un énorme contrat, environ 22 milliards d'euros, mais c'est aussi et peut-être surtout une décision symbolique. EDF va donc signer, sauf surprise, pour 2 centrales nucléaires en Grande-Bretagne. Ce serait la première mise en chantier de réacteurs en Europe depuis l'accident de Fukushima il y a 4 ans. Ce contrat hors norme, gagné en partie grâce à l'aide de la Chine, permet à EDF d'entrevoir un avenir, disons, plus dégagé. Mais pour le directeur financier de l'entreprise, Thomas Piquemal, c'est tout le contraire. D'ailleurs, il démissionne avec fracas. Parce que pour lui, en prenant tous les risques d'investissement sur ses fonds propres, EDF se met gravement en danger avec un réacteur qui n'a pas encore fait ses preuves. Or, EDF, c'est le contribuable français, c'est vous, c'est moi, car l'État est actionnaire à 80%. Les années passent et les problèmes s'accumulent pour l'EPR. On parle désormais de problèmes dans la cuve du réacteur. Il y aurait un taux de carbone trop élevé dans la composition de l'acier. Un risque de rupture est évoqué. Et cette cuve, elle a été forgée au Creusot, dans une usine qui appartenait à l'époque à Michel-Yves Bolloré, frère de Vincent Bolloré. L'homme d'affaires rachète au début des années 2000 le site du Creusot. Quand Areva vient le voir en 2006, Bolloré assure que l'usine en question a les capacités pour fabriquer la cuve pour le nouveau réacteur. Jean-François Victor, ancien dirigeant de l'usine, explique la suite dans l'émission Secret d'Info, diffusée sur France Inter. Nous sommes dans cette période où Bolloré est en conversation avec le groupe Areva pour la reprise de ses usines. Il est donc impératif pour lui, pour en tirer un prix maximum, de réaliser ces 2 pièces. C'est là, si vous voulez, que Bolloré a su convaincre l'état-major d'Areva qu'il était en mesure de réaliser ces pièces. Alors que toutes les expertises qui sont intervenues après concluent qu'en fait, à cet instant précis de 2006, au moment où est lancée la fabrication du couvercle et du fond de cuve de Flamanville 3, les usines du Creusot n'avaient pas la capacité nécessaire à la réalisation de ces pièces. Bolloré revend ensuite l'entreprise 170 millions d'euros, une société qu'il avait achetée quelques années plus tôt pour 800 000 euros. Or, l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, et d'autres organismes avaient pointé du doigt le manque de professionnalisme de la forge du Creusot qui a construit le couvercle et le fond de la cuve. Et comme les résultats d'analyse en laboratoire ne suffisaient pas à démontrer la conformité aux règles de sûreté de ces pièces essentielles, eh bien, on n'aurait pas hésité à falsifier les dossiers. Comme quoi, le ver était dans le fruit, dès le début, pour l'EPR. Le 7 juin 2018 arrive tout de même une bonne nouvelle. Les Chinois, encore eux, annoncent qu'ils ont réussi à démarrer le premier réacteur EPR. Explication dans la matinale de France Inter. France Inter. La technologie est bien de chez nous, made in France, mais c'est la Chine qui vient donc d'inaugurer le tout premier EPR de la planète, souvent présenté comme le futur du nucléaire, si tant est qu'il en ait un. En Europe, tous les chantiers s'enlisent. 7 ans de retard à Flamanville dans la Manche, 10 ans pour l'EPR finlandais. Mais la Chine a donc coiffé tout le monde au poteau. En ce mois de juin 2018, en France et en Finlande, les EPR ne fonctionnent toujours pas. Pire encore, à Flamanville, de nombreux problèmes de soudure sont découverts. La facture atteint désormais presque 11 milliards d'euros. Lundi 29 octobre 2019, Jean-Martin Fols, ancien PDG de PSA, remet un rapport sur les déboires de la construction de l'EPR de Flamanville. On apprend qu'il y a une perte de compétences généralisée, notamment chez les soudeurs. Autre problème, il n'y avait pas de chef de projet consacré uniquement à Flamanville entre 2006 et 2015. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, hausse le ton et parle d'échec pour toute la filière nucléaire et de manque de rigueur inacceptable. Mais ce n'était pas un coup d'arrêt à l'atome. Car ce même ministre le sait bien, il va falloir remplacer le parc vieillissant des centrales. 30 juin 2020, c'est un tournant pour le site de Fessenheim. Ces deux réacteurs nucléaires sont mis à l'arrêt, définitivement. C'était une promesse des candidats François Hollande puis d'Emmanuel Macron. Pour les écologistes et les militants de Greenpeace, évidemment, c'est une victoire et bien sûr un soulagement. Ils considéraient cette centrale comme un risque. Pour les salariés de Fessenheim, c'est une ineptie et un déchirement. Ils s'en expliquent au micro de France 2. C'est une connerie industrielle, c'est une connerie humaine, c'est une connerie environnementale. Pourquoi l'État français, en ce moment, décide de se passer de 1800 mégawatts de production nucléaire, donc décarbonée, alors que l'urgence actuelle est bien climatique? Avec la fermeture de ces deux réacteurs, la question du renouvellement du parc nucléaire se fait de plus en plus pressante. L'EPR de Flamanville n'a toujours pas démarré et l'État va devoir trancher sur la question de l'avenir de l'atome dans l'Hexagone. Octobre 2021, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, publie un rapport avec 6 scénarios envisagés pour atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité d'ici 2050. Selon ce rapport, la solution la plus économique serait de garder 50% de nucléaire en construisant un nouveau parc de 14 EPR et quelques petits réacteurs appelés SMR. Le 9 novembre 2021, Emmanuel Macron s'adresse aux Français et évoque l'avenir énergétique de la France. Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. En cette année 2022, le nucléaire est devenu un sujet de la campagne présidentielle. Certains veulent en sortir, d'autres non. Ils veulent au contraire en construire. Le 10 février dernier, Emmanuel Macron annonce 6 nouveaux EPR à l'horizon 2035. Toujours est-il que celui de Flamanville, projet initié en 89, avec un chantier lancé en 2007, ne fonctionne toujours pas. On évoque un démarrage en 2023, mais la facture s'élève maintenant à 12,7 milliards. Point positif tout de même pour l'atome français, le EPR finlandais a été mis en service en septembre dernier. Mais celui de Flamanville restera sans aucun doute comme l'un des plus grands fiascos industriels français. Les raisons sont connues. Conçu comme un projet franco-allemand reprenant les caractéristiques de deux réacteurs différents, le projet était dès l'origine un défi que la France a dû relever seule, on l'a dit, après l'abandon du nucléaire par les Allemands. Et année après année, l'EPR est devenu également le symbole et le symptôme de la filière nucléaire française avec ses guerres de clans entre Areva et EDF, qui ont voulu devenir des champions mondiaux en exportant leurs nouveaux réacteurs. Mais pour le vendre, ils ont minimisé la facture et les délais. Au-delà de ce projet et de ces mésaventures, la réflexion sur le nucléaire a évolué ces dernières années. La prise de conscience du péril numéro un qui nous menace, le réchauffement climatique, est passée par là. Il faut absolument décarboner nos activités industrielles. Il se trouve que les rejets que nous voyons tous sortir des cheminées des centrales nucléaires, c'est de la vapeur d'eau. Et ça, bien sûr, c'est un argument massue. L'arme nucléaire de l'atome, si je puis dire. En tout cas, sa meilleure défense. À laquelle s'ajoute le contexte géopolitique. La guerre en Ukraine nous montre à quel point les énergies fossiles sont volatiles dans l'air comme sur le marché. L'indépendance énergétique s'impose comme une impérieuse nécessité. De quoi redonner des couleurs au nucléaire. Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit. Dis-moi, minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent. La vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Minuit, réveil, je deviens dingue, Paris bouteille. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, et que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors si on changeait. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le PR dans Affaires sensibles. Notre invité, Jacques Repussard. Bonjour. Bonjour. Alors, ancien directeur général de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui consiste à donner un avis aux acteurs du nucléaire, après ils prennent leur décision. L'autorité de sûreté nucléaire, elle est le gendarme, elle a le droit de pénaliser, prendre des décisions, pas l'IRSN, mais qui donne un avis, c'est important. Et donc je vais recueillir votre avis sur tout cela, et je vais vous épargner les débats politiques sur faut-il garder le nucléaire ou en sortir, car de toute façon ça ne provoque que du chaos, les uns vous reprochent d'être anti-nucléaire et les autres d'être pro-nucléaire, on n'en sort pas. Donc on va parler technique. Et pédagogie, c'est important pour les Français, les Françaises qui veulent savoir où on va, où on ne va pas avec le nucléaire. Quelle est la spécificité technique d'abord de l'EPR par rapport aux réacteurs classiques? On l'a dit dans le récit, mais qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, comme différence fondamentale entre l'EPR et les autres réacteurs dits classiques? Eh bien, l'EPR a été conçu pour que, dans l'hypothèse, certains probables mais physiquement possibles, de la fusion du cœur, il n'y ait pas d'explosion qui donne accès directement à la radioactivité dans l'environnement. Autrement dit, ce qu'on appelle le corium, c'est-à-dire le combustible fondu, passe par une sorte de trappe au fond au fond de la cuve et s'enfouit dans des sous-sols où il s'étale et où il est refroidi par des circuits d'eau. Alors j'ai eu l'occasion très rare de visiter cette cathédrale souterraine. C'était absolument sous le réacteur de Flamanville. C'est creusé profond. C'est profond, c'est un sous-sol très immense, parce que le corium doit pouvoir s'étaler avec des rigoles, avec des canaux, où tout cela peut circuler, avec de l'eau qui circule, évidemment de la vapeur d'eau qui se développe, et donc tout un ensemble qui va devenir sous pression, mais dont la fonction est d'empêcher les éléments radioactifs de sortir dans l'environnement. Et ça, c'est une innovation tout à fait considérable, puisque les réacteurs d'aujourd'hui ont été conçus en se disant que la probabilité d'un incident était tellement faible que finalement, on n'en tient pas compte. Et or, ça s'est produit au moins à deux reprises. Ça veut dire que si une centrale nucléaire en France connaissait un problème type Tchernobyl, ça m'étonnerait parce que c'est pas du tout la même technologie, mais disons Fukushima, il y aurait pas de projection de radionucléides dans l'air. C'est ça le but. Avec les nouveaux réacteurs, avec l'EPR, oui. Avec les EPR, c'est bien cela. D'accord. Et alors, il y a en fait. Ça, c'était un objectif politique, d'empêcher qu'un accident nucléaire devienne une catastrophe environnementale, sanitaire. Et en fait, il y avait deux façons de faire. Soit on fait des réacteurs plus petits, et on sait qu'en dessous de 600 mégawatts, par exemple, eh bien, le cœur fondu reste dans la cuve, c'est-à-dire la cuve résiste, et si on a de l'eau pour la refroidir, eh bien, finalement, le réacteur est perdu, mais il n'y a pas de conséquences environnementales majeures. Mais un petit réacteur, EDF n'a jamais été favorable à ça parce que le coût du mégawatt, le coût du kilowattheure électrique produit était plus élevé. Et donc, l'autre option a été retenue avec les Allemands de choisir un réacteur plus puissant. On passe de 900 mégawatts de 1450 mégawatts pour les derniers construits en France à 1650 mégawatts. Et avec, évidemment, en contrepartie de cette énergie considérable, un design qui permettait d'éviter les accidents. Auquel on a rajouté d'autres perfectionnements, comme une double enceinte en béton qui protégeait davantage contre les chutes d'avions, par exemple, et d'autres innovations techniques, comme par exemple la possibilité d'exploiter les réacteurs tout en assurant la maintenance, ce qui suppose à l'intérieur des bâtiments sectorisés pour que les travailleurs puissent être protégés des rayonnements ionisants. Donc toutes ces innovations mises ensemble, évidemment, font monter la facture et représentent aussi une complexité technologique nouvelle, une innovation qu'on ne savait pas construire, qu'on n'avait pas encore construit nulle part. Parce qu'en théorie, c'est très vertueux, mais au bout du coup, ça rame quand même, puisque Flamanville n'est pas encore en fonction. Est-ce que plusieurs cultures et modèles de réacteurs mélangés, donc entre les Français et les Allemands, peuvent être à l'origine aussi de ça? C'est certain, une source de complexité. EDF, les ingénieurs d'EDF n'avaient pas une connaissance intime de certains dispositifs qui étaient utilisés en Allemagne, et il y a une sorte de concurrence entre les ingénieurs français et allemands, chacun pour imposer ses techniques, et l'EPR, finalement, c'est un mix de compromis qui, évidemment, apporte un certain nombre de garanties, mais dont la constructibilité, en fait, n'est pas idéale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, EDF, après l'expérience de Flamanville, est en train de concevoir un EPR un peu simplifié, optimisé, et en tenant compte du retour d'expérience de Flamanville, de telle sorte que les coûts de construction et surtout les délais puissent à l'avenir être plus raisonnables. Oui. On parle, à tort ou à raison, de perte de compétences dans le nucléaire français. Est-ce que vous avez des échos de cela? C'est très clair dans votre reportage. On a bien vu, finalement, on parle du feuilleton politico-technique associé au développement de l'EPR, et on ne parle qu'au moment des forges de ce qui se passe dans la filière nucléaire. Imaginez ces milliers d'entreprises, ces centaines d'entreprises en France, pour lesquelles il n'y a plus de chantier, il n'y a plus de contrats dans leur portefeuille. Les ingénieurs s'en vont, il y a une inquiétude, une incertitude sur l'avenir même de la filière. C'était pas seulement une question de quand, c'était est-ce qu'on allait ou pas construire des nouveaux réacteurs. Ouais. Pendant toutes ces incertitudes, les entreprises font leur métier, elles se tournent vers d'autres marchés, les soudeurs très spécialisés partent vers d'autres chantiers avec des exigences moins fortes. Donc au bout de 10 ans, 12 ans sans nouveaux chantiers, eh bien il y a une attrition du savoir-faire. C'est absolument inévitable. On parle aussi beaucoup de recours au temporaire, sous-traitance. Voilà. Est-ce que ça a posé un problème, la sous-traitance? Avec beaucoup de temporaires, d'ailleurs. Il y a toujours eu de la sous-traitance, parce que la réalisation d'un chantier comme ça fait appel à de très nombreux métiers, à de très nombreuses entreprises. Ce qui a probablement péché, c'est une sous-estimation par EDF de la complexité de l'assurance qualité, c'est-à-dire de la maîtrise de la qualité dans toute cette chaîne. il n'y a pas eu assez, de mon point de vue, assez d'attention portée à l'organisation et à la surveillance de l'assurance qualité. On a parlé dans le reportage du chef de projet, mais ça n'était qu'un indice. Je pense qu'il y a eu un déficit de maîtrise de la qualité. EDF pensant que ça s'était bien passé sur les anciens chantiers, et donc ça irait, et donc on a employé les mêmes méthodes, sauf que évidemment en faisant redémarrer la filière, il aurait fallu une maîtrise de la qualité beaucoup plus approfondie. C'est ce que l'ASN a essayé de faire finalement à travers ses contrôles, mais c'est encore mieux si c'est le concepteur lui-même qui surveille sa qualité. Et la guerre EDF Areva a été néfaste selon vous? Alors c'est plus politique ça, mais Ça n'a rien arrangé. Je pense que elle a été surtout néfaste à l'étranger. C'est-à-dire que les clients potentiels étrangers, évidemment, étaient probablement très étonnés de cette cacophonie franco-française. Et ça n'a rien arrangé. D'autant plus que l'EPR est un objet très difficile à vendre parce que c'est un réacteur extrêmement puissant. Donc, dans des pays qui n'ont pas, prenons le cas du Vietnam, par exemple, qui n'a pas de très grandes interconnexions électriques, eh bien, le EPR est trop puissant, puisque quand on l'arrête pour maintenance, on a plus d'électricité. Donc, le EPR convient à des pays industrialisés avec des réseaux électriques très perfectionnés. C'est le cas de l'Europe de l'Ouest. C'est le cas de la Chine aussi. Mais, donc, il y a un marché restreint. Et en Afrique du Sud, par exemple, le EPR était probablement pas très adapté. On se retrouve dans 3 minutes, Jacques Rebussard, après avoir écouté Blondie, c'est le circonstance qui chante Atomique. Affaires sensibles sur France Inter. Jacques Rebussard, on va passer maintenant au présent et à l'avenir très proche. Donc, sont annoncées la construction de nouveaux EPR, EPR 2, il y en aurait 6 et 8 EPR 2 additionnels. De quoi s'agit-il? Alors, les 56 réacteurs qui sont en service vont devoir être arrêtés dans les décennies à venir. Même si on peut espérer en prolonger le fonctionnement pendant quelques années. Mais pas à n'importe quelle condition. Alors, bien entendu, oui, mais on maîtrise la sûreté. Je pense qu'il y a des inspections périodiques. Et en fait, on peut faire confiance au système de sûreté français pour dire que si on peut prolonger les réacteurs, eh bien, on le peut. Donc, bon, ça, je pense que c'est rassurant. Mais en revanche, ce qui est inéluctable, c'est qu'il faudra les arrêter et que peut-être on ne pourra pas les prolonger aussi loin que souhaiteraient peut-être certains membres d'EDF. Donc il faut prévoir la suite. Et la suite, c'est l'EPR, mais l'EPR revisité. C'est-à-dire que l'EPR de Flamanville est un objet qui s'est révélé très compliqué à construire, parce qu'on a lancé sa construction avant même qu'on ait absolument perfectionné, qu'on ait vérifié toute la façon de faire les ferraillages, de couler le béton, et donc il y a eu beaucoup d'incidents qui étaient liés au fait qu'en fait, on n'avait pas vraiment été jusqu'au bout de la conception. Donc EDF a profité du temps pour revoir cette conception de détail et simplifier un certain nombre de choses. On avait imaginé deux enceintes successives, il n'y en aura plus qu'une avec une autre enceinte en acier collée contre une seule enceinte en béton. On a renoncé à la maintenance en service, parce que c'est une source de complexité terrible pour un rendement supplémentaire finalement relativement réduit. Donc voilà, un certain nombre d'économies, plus de l'optimisation du génie civil, donc il sera plus facile à construire, moins coûteux, avec un certain nombre d'options en moins, sans toucher évidemment au sacro-saint principe de la sûreté améliorée vis-à-vis du risque d'accident nucléaire, et en y ajoutant les conséquences des enseignements de l'accident de Fukushima, c'est-à-dire que même en cas de séisme ou d'accident dramatique, il y a des dispositions qui feront que l'EPR échappera à un accident. Et les SMR alors ? Nous, 20 en principe, que sont les SMR ? Ils sont encore plus petits ? Alors, l'EPR est un très gros réacteur. C'est le plus gros réacteur civil en service, qui sera mis en service. Et en fait, si on regarde le marché mondial du nucléaire, l'EPR n'est pas adapté pour beaucoup de marchés. Il n'est pas adapté pour les îles, par exemple, pour les régions polaires, etc. Et donc, pour un certain nombre d'applications, il faut des réacteurs plus petits. Et là, on a le choix. Alors, la France sait faire des réacteurs tout petits. Ce sont ceux qui équipent nos sous-marins, le porte-avions Charles de Gaulle. Donc ça, ce sont des tout petits réacteurs, toujours à eau légère. Et donc, on peut imaginer qu'entre les 1650 mégawatts du LEPR et les quelques 50 mégawatts des réacteurs de sous-marins, eh bien, entre les deux, on peut faire des réacteurs toujours à eau légère de l'ordre de 350-400 mégawatts. Donc ça, c'est un... On baisse en gamme, c'est par rapport aux réacteurs actuels qui sont 900 mégawatts, entre 900 et 1450, eh bien on peut baisser en gamme. Là, le combustible reste dans la cuve, donc c'est plus simple à construire. Mais est-ce qu'on va pouvoir satisfaire nos besoins en électricité avec des installations plus petites ? Non, il s'agit simplement c'est une visée, à mon avis, à l'exportation. Mais pour exporter, et l'expérience de l'EPR l'a bien montré, c'est quand même plus simple, c'est comme pour les rafales, etc. Si on n'exploite pas soi-même, vendre un produit qu'on n'a jamais construit chez soi, c'est pas facile. Donc, On le voit avec l'EPR. On le voit avec l'EPR. L'idée, c'est que la filière nucléaire française, qui a besoin d'exporter pour son équilibre financier, puisse n'avoir pas que l'EPR dans son portefeuille, parce que l'EPR, encore une fois, a ses propres limites en termes d'adaptation au marché, et donc il faut un autre produit. Cet autre produit peut être un réacteur plus petit, et qui devrait probablement être resté à eau légère, parce que c'est des choses qu'on sait faire. Autrement dit, on voit parfois dans la presse des articles sur les réacteurs à sel fondu, etc. Mais ça, ce sont des choses qui vont mettre plusieurs décennies, donc refroidissement au sodium, c'est ça ? Astrid, c'est le Super Phénix rénové. Et ça, c'est fini, ça ? Et ça, c'est malheureusement fini, mais peut-être pas. C'est une très bonne option, en fait. C'est-à-dire que ça règle le problème à long terme des déchets. Et de la disponibilité. Voilà, parce que les deux poids de la filière nucléaire, c'est le risque d'accident, qui crée l'absence de confiance, et c'est les déchets. Alors, les déchets, l'industrie nucléaire, c'est la seule industrie qui a confiné tous ces déchets dans des endroits bien maîtrisés, mais du coup, on les voit, on en parle, et ça paraît inacceptable. Alors, beaucoup d'autres industries laissent leurs déchets à l'air libre, les laissent partir dans les océans, on ne dit rien, on est habitué à ça. Mais là, l'industrie nucléaire a confiné ces déchets, et du coup, ils deviennent un problème parce qu'ils sont visibles. Et le réacteur Astrid permet de brûler un certain nombre de ces déchets, notamment le plutonium dont on ne sait pas trop quoi faire et qui est issu du retraitement des combustibles. Donc c'est une solution élégante. Alors pourquoi on l'abandonne si elle est si vertueuse, à la fois sûre et elle traite le problème des déchets, c'est formidable. Alors le problème qui reste, c'est le refroidissement avec du sodium, et le sodium, s'il est en contact avec l'air ou l'eau, ça donne un incendie qui est très difficile à éteindre. Donc il y a un souci là. Le CEA je pense, est presque au bord de résoudre cela. Mais voilà, c'est un projet mal aimé des politiques, de la société. Et puis EDF n'a jamais été, je pense, très fanatique de cette nouvelle filière. Voilà. Dernière chose, il nous reste une minute. Que deviennent les recherches sur la fusion nucléaire à Cadarache, sur le site ITER? Alors, on en est où? Je crois que l'horizon, c'était 2050. Oui, c'est un projet qui recule de plusieurs mois par an. Donc, c'est un projet qui n'est pas à l'horizon des besoins énergétiques de l'Europe de ce siècle, en pratique, puisque il y aura un démonstrateur, c'est-à-dire qu'il s'agit pour la première fois de montrer qu'on pourrait vraiment produire de l'électricité, donc avec un rendement positif. On produira plus d'électricité qu'il n'en faudra pour chauffer la cellule du réacteur d'ITER. Donc c'est un projet scientifique très intéressant, mais qui est au mieux pour le prochain siècle. Bon, d'accord, donc on ne verra pas, quoi. Malheureusement, nous, non. Jusqu'à la fin de notre vie, on sera dans l'ère de la fission, et pas encore de la fusion. Merci infiniment, Jacques Pessard. Au revoir. Au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, l'EPR, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Selim Guéribi. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour Affaires sensibles, ici même, à 15h sur France Inter. Et aussi ce soir, sur France 2, à 23h, nous traiterons du dossier Buguelet-Braise. À ce soir et à demain.